Tiens. Les embrouilles se font en silence, j'ai entendu du bruit dans le bendo. Posé dans la street, encore la galère d'un autre négro. L'avenir appartient au bébé passé, je cul meurs tôt. Lumière sur le ghetto, un ange il est mort, donc adios. Ouin, ouin, les darons en pleurs. Les gars ruminent la vengeance en cœur, malgré leur peur. Une story de Rodka, de Nesby, de respect pour le coupable des morts, comme un jacteur. Qu'est-ce tu veux que je te plaise, je connais pas mon ambiance est bonne. J'ai lu ton histoire dans les faits divers, en petit caractère, il s'intéressait plus à Chris Brown. Même les bastos que t'as voulu gérer, t'y romper à son ami, il est mort comme un bon pote. Qu'est-ce tu veux que je te plaise, je connais pas mon ambiance est bonne. Au fond de ma rue, un noir tue un autre noir. Bronze girl, papa, il est le temps de rien voir. Une mère perdait l'âme, son fils se recouvert d'un drap blanc sur le trottoir. Nos vies sont les tragédies, tout le monde y laisse son âme à la fin de l'histoire. Va tèche ton gun, ce soir c'est fun. L'ambiance est bonne et je n'ai pas envie de run. On a tous des ponts glocks dans les caves des blocs de nos cités HLM. Bloc contre bloc, sortent les glocks et dialogues dans le langage des bang bang. Dans leur courte histoire, ils nous disent pas comment ils ont pillé le peuple noir. Dans le journal ce soir, ils ne parleront sûrement pas de la mort de ce jeune noir. Leur mépris envers moi et les miens ont fait de moi ce noir aux idées noires. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pourtant je continue d'y croire. Je vis dans le ghetto depuis l'époque de la Nintendo. Where les fantômes d'anciens morts d'overdose. Ici les reprotègent lors de leur bande et leur bendo. Pour te buter les négros cadreront leur péno. Pour te shooter les négros ne feront pas de airball. Qui tue par le bang bang meurt par le bang bang. Négro c'est la même merde de Panama à Harlem. De Compton à Marseille ou quelque coin de la planète. Au fond de ma rue un noir tue un autre noir. Bronze girl, papa, il est le temps de rien voir. Une mère perd ses larmes, son fils se recouvert d'un drap blanc sur le trottoir. Nos vies sont les tragédies, tout le monde y laisse son âme à la fin de l'histoire. Va tèche ton gun, ce soir c'est fun. L'ambiance est bonne et je n'ai pas envie de run. On a tous des ponts glocks dans les caves des blocs de nos cités HLM. Bloc contre bloc, sortent les glocks et dialogues dans le langage des bang bang. Mère, fils de pute me doit du bif, plus de nouvelles et je vais lui niquer ça. Je lui ai poussé quelques litres, plus de nouvelles. Oh putain, ça me fout les nerfs. Ou peut-être qu'il a une galère. Ouais, peut-être qu'il a une galère. S'il me l'a mise, obligé de le laisser par terre. Je viens de recevoir un coup de film disant que ce fils ne pousse pas vraiment gros gamos dans les rues de Paris. Oh l'enfoiré. Plus de drogue, plus de sous, non, ça me fait pas. Je les croyais toujours sous messagerie. Okay. Il m'a niqué, obligé de lui faire une dinguerie. Ouais. Moi, je crois bien que je vais lui faire une dinguerie. Je vais le buter. Ah. Au fond de ma rue, un noir tue un autre noir. Papa, il est le temps de rien voir. Une mère perd ses larmes, son fils se recouvert d'un drap blanc sur le trottoir. Nos vies sont les tragédies, tout le monde y laisse son âme à la fin de l'histoire. Va tèche ton gun, ce soir c'est fun. L'ambiance est bonne et je n'ai pas envie de run. On a tous des ponts glocks dans les caves des blocs de nos cités HLM. Bloc contre bloc, sortent les glocks et dialogues dans le langage des bang bang. Va tèche ton gun, ce soir c'est fun.